Elles portaient le costume des grisettes de la ville de V, et leur coiffe qui ressemble à un casque, et leurs longs tire-bouchons de cheveux tombant le long des joues, ces espèces de tire-bouchons que les prédicateurs appelaient dans ce temps-là des serpents, pour dégoûter les jolies filles, sans avoir jamais pu y parvenir. Et elle était là-dessous d'une beauté pleine de réserve et d'une noblesse Dieu baissée, qui prouvait qu'elles font bien tout ce qu'elles veulent de leur satané corps, ces couleuvres de femelles, quand elles ont le plus petit intérêt à cela. M'étant rattrapé du reste et sûr de moi-même, comme un homme qui venait de se mordre la langue, pour ne pas laisser échapper un cri de surprise, j'eus cependant la petite faiblesse de vouloir lui montrer, à cette fille audacieuse, que je la reconnaissais. Et pendant que la comtesse buvait sa potion, le front dans son bol, je lui plantai à elle mes deux yeux dans ses yeux, comme si j'y avais enfoncé deux pattes fiches. Mais ses yeux, de biche pour la douceur ce soir-là, furent plus fermes que ceux de la panthère qu'elle vient il y a qu'un moment de faire baisser. Elle ne sourcilla pas. Un petit tremblement, presque imperceptible, avait seulement passé dans les mains qui tenaient le plateau. La comtesse buvait très lentement, et quand elle eut fini, « C'est bien, dit-elle, remportez cela. » Et Hauteclerc Eulalie se retourna, avec cette tournure que j'aurais reconnue entre les 20 000 tournures des filles d'Assuérus, et elle remporta le plateau. J'avoue que je demeurai un instant sans regarder le comte de Savigny, car je sentais ce que mon regard pouvait être pour lui dans un pareil moment, mais quand je m'y risquais, je trouvais le sien fortement attaché sur moi, et qui passait alors de la plus horrible anxiété à l'expression de la délivrance. Il venait de voir que j'avais vu, mais il voyait aussi que je ne voulais rien voir de ce que j'avais vu, et il respirait. Il était sûr d'une impénétrable discrétion, qu'il expliquait probablement, mais cela m'était bien égal, par l'intérêt du médecin qui ne se souciait pas de perdre un client comme lui, tandis qu'il n'y avait là que l'intérêt de l'observateur, qui ne voulait pas qu'on lui fermât la porte d'une maison où il y avait, à l'insu de toute la terre, de pareilles choses à observer. Et je m'en revins, le doigt sur ma bouche, bien résolu de ne souffler mot à personne, de ce dont personne dans le pays ne se doutait. Ah, les plaisirs de l'observateur, ces plaisirs impersonnels et solitaires de l'observateur, que j'ai toujours mis au-dessus de tous les autres, j'allais pouvoir me les donner en plein, dans ce coin de campagne, en ce vieux château isolé, où comme médecin je pouvais venir quand il me plairait. Heureux d'être délivré d'une inquiétude, Savigny m'avait dit, jusqu'au nouvel ordre docteur venait tous les jours. Je pourrais donc étudier avec autant d'intérêt et de suite qu'une maladie le mystère d'une situation qui, racontée à n'importe qui, aurait semblé impossible. Et comme déjà, dès le premier jour que je l'entrevis, ce mystère excita en moi la faculté ratiocinante, qui est le bâton d'aveugle du savant, et surtout du médecin, dont la curiosité acharnée de leurs recherches, je commençais immédiatement de raisonner cette situation pour l'éclairer. Depuis combien de temps existait-elle? Datait-elle de la disparition de Hauteclerc? Y avait-il déjà plus d'un an que la chose durait et que Hauteclerc Stassin était femme de chambre chez la comtesse de Savigny? Comment, excepté moi, qu'il avait bien fallu faire venir, personne n'avait-il vu ce que j'avais vu, moi, si aisément et si vite? Toutes ces questions qui montèrent à cheval et sans Martin Croup avaient, avec moi, accompagné de bien d'autres qui se levèrent et que je ramassais sur ma route. Le comte et la comtesse de Savigny, qui passaient pour s'adorer, vivaient, il est vrai, assez retirés de toute espèce de monde. Mais enfin, une visite pouvait, de temps en temps, tomber au château. Il est vrai encore que, si c'était une visite d'homme, Hauteclerc pouvait ne pas paraître. Et si c'était une visite de femme, ces femmes de V, pour la plupart ne l'avaient jamais assez bien vue pour la reconnaître, cette fille bloquée, pendant des années, par ses leçons, au fond d'une salle d'armes, et qui, aperçue de loin à cheval ou à l'église, portait des voiles qu'elle épaississait à dessein. Car Hauteclerc, je vous l'ai dit, avait toujours en cette fierté des êtres très fiers que trop de curiosité offense et qui se cache d'autant plus qu'ils se sentent la cible de plus de regards. Quant aux gens de M. de Savigny, avec lesquels elle était bien obligée de vivre, s'ils étaient de V, ils ne la connaissaient pas, et peut-être n'en étaient-ils point. Et c'est ainsi que je répondais tout entre-temps à ces premières questions, qui, au bout d'un certain temps et d'un certain chemin, rencontraient leurs réponses, et qu'avant d'être descendu de la selle, j'avais déjà construit tout un édifice de suppositions, plus ou moins plausibles, pour expliquer ce qui, à un autre qu'un raisonneur comme moi, aurait été inexplicable. La seule chose peut-être que je n'expliquais pas si bien,